Salut Benoît, tu vas au marché ? Ah, salut Clément. Oui, je préfère parce que les épiceries coûtent plus cher et les supermarchés sont trop loin. Et toi ? J'ai fini mes courses. Je vais acheter du pain à la boulangerie. Ok, bonne journée et on se voit demain.